Jean chapitre 4. Or, quand le Seigneur eut connu que les pharisiens avaient vite dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois Jésus ne baptisait point lui-même, mais c'étaient ses disciples. Il laissa la Judée, et s'en alla encore en Galilée. Or il fallait qu'il traversât par la Samarie. Il vint donc en une ville de Samarie, nommée Sichar, qui est près de la possession que Jacob donna à Joseph, son fils. Or il y avait là une fontaine de Jacob, et Jésus étant lassé du chemin, se tenait là assis sur la fontaine, c'était environ les 6 heures. Et une femme samaritaine étant venue pour puiser de l'eau, Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples s'en étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Mais cette femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine, car les juifs n'ont point de communication avec les samaritains. » Jésus répondit, et lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui en eusses demandé toi-même, et il t'eût donné de l'eau vive. » La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où as-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que Jacob notre père, qui nous a donné le puits, et lui-même en a bu, et ses enfants, et son bétail ?» Jésus répondit, et lui dit, « Quiconque boit de cette eau-ci, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai, deviendra en lui une fontaine d'eau, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif, et que je ne vienne plus ici puiser de l'eau. » Jésus lui dit, « Va, et appelle ton mari, et viens ici. » La femme répondit, et lui dit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien dit, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est point ton mari, en cela tu as dit la vérité. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne-là, et vous dites qu'à Jérusalem, est le lieu où il faut adorer. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient que vous n'adorerez le Père, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez point, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est maintenant, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car aussi le Père en demande de tels qu'il adore. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui répondit, « Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, doit venir, quand donc il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « C'est moi-même, qui parle avec toi. » Sur cela ses disciples vinrent, et ils s'étonnèrent de ce qu'il parlait avec une femme, toutefois nul ne dit, « Que demandes-tu, ou pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme donc laissa sa cruche, et s'en alla à la ville, et elle dit aux habitants, « Venez, voyez un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, celui-ci n'est-il point le Christ ?» Ils sortirent donc de la ville, et vinrent vers lui. Cependant les disciples le priaient, disant, « Maître, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger d'une viande que vous ne savez point. » Sur quoi les disciples disaient entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma viande est que je fasse la volonté de celui qui m'a envoyé, et que j'accomplisse son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois et la moisson viendra ? Voici, je vous dis, levez vos yeux, et regardez les campagnes, car elles sont déjà blanches pour moissonner. Or celui qui moissonne, reçoit le salaire, et assemble le fruit en vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Or ce que l'on dit d'ordinaire, que l'un sème, et l'autre moissonne, est vrai en ceci. Que je vous ai envoyé moissonner sans quoi vous n'avez point travaillé, d'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. Or plusieurs des Samaritains de cette ville accrurent en lui, pour la parole de la femme, qui avait rendu ce témoignage, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Quand donc les Samaritains furent venus vers lui, ils le prièrent de demeurer avec eux, et il demeura là 2 jours. Et beaucoup plus de gens crurent pour sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus pour ta parole que nous croyons, car nous-mêmes l'avons entendu, et nous savons que celui-ci est véritablement le Christ, le Sauveur du monde. » Or, 2 jours après, il partit de là, et s'en alla en Galilée. car Jésus avait rendu témoignage qu'un prophète n'est point honoré en son pays. Quand donc il fut venu en Galilée, les Galiléens le reçurent, ayant vu toutes les choses qu'il avait faites à Jérusalem le jour de la fête, car eux aussi étaient venus à la fête. Jésus donc vint encore à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or il y avait à Capernaüm un seigneur de la cour, duquel le fils était malade, qui ayant entendu que Jésus était venu de Judée en Galilée, s'en alla vers lui, et le pria de descendre pour guérir son fils, car il s'en allait mourir. Mais Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des prodiges et des miracles, vous ne croyez point. » Et ce seigneur de la cour lui dit, « Seigneur, descends avant que mon fils meure. » Jésus lui dit, « Va, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Et comme déjà il descendait, ses serviteurs vinrent au-devant de lui, et lui apportèrent des nouvelles, disant, « Ton fils vit. » Et il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent, « Hier sur les 7 heures la fièvre le quitta. » Le père donc connut que c'était à cette même heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, avec toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle, quand il fut venu de Judée en Galilée.